Mes négros ont les crocs comme mille pit. Bélec à toi gamin, si tu t'allumes comme nous, tu peux finir comme Lil Pip. Pas de verre dans mon verre, si pas de néo. Sous l'un sur le terrain, je vois en slow-mo, yo split, et j'ai la vista de Léo. Je me téléporte pour buter les prods. Jason avec le masque de hockey. Pour la cause, gratuitement on s'explose. Allume masse de missiles, allume masse de roquettes. Tireur d'élite, médaillé. De loin sans stress, je vise dans le mille. 2012, 5h du mat, j'étais à Rungis, fonce car dans le mine. Je vois plus le peloton, j'ai trop d'avance. Je les écoute, j'entends mes flots d'avant. Négro devant la cage, lac pas, je mets des soupapes comme Samuel et tôt d'avant. Tire les ficelles comme Doflamingo. Loudpack, négro, SO la Indo. Jet life, Deftad, j'arrive dans en parachute, SO Flamingo. Gros terre pour les réflexions, je laisse la nature faire pour les sélections. SO Lil B, le base god, je crois que bientôt je vais me présenter pour les élections. Négro, je suis dans les piles comme le dioxyde de manganèse. Je garde mon sang-froid comme si je suis un reptilien en hypothermie qui habite dans la neige. Design de jokes comme le MPR. Art de la guerre, ils commencent à se faire vieux, ils vont disparaître seuls comme le RPR. Je laque pas, j'aiguise mes 5 sens, faut remplir les coffres avec que des 500. Black, il débloque les plavons en balle pour qu'on barre dans la ville en ses 500. Sur la ceinture, j'ai la gorgone, dans la cuisine, j'ai la technique à Gordon. J'ai oublié 80% de ma scolarité, j'écris comme si j'ai fait la Sorbonne. On veut les véhicules conçus en Allemagne. J'arrive Galsen comme Sandalman. Rital tacticien, Marco Materazzi, finale de Coupe du Monde en Allemagne. Je me sens comme Obélix, sauf que je suis tombé dans la drogue. Aquarium dans la grotte, négro, j'arrive foncé dans la prod. J'écris les formules sur Blast parchemin. SO Osiris, Jack comme l'OM, je vais droit au but, pétage, je passe pas par quatre chemins. FDT, on entame la troisième. Tu rappes comme si t'entames la troisième. Mes faces passent au-dessus de leur crâne comme des avions de ligne. Avec l'auto, fais des plans pour faire entrer des camions de ligne. Équipe. Avant, j'entends mes flots d'avant. La croix, j'ai guise.